sina gaya sentima. Zela tangwe kokite oto balana. Esko kokiko siforte makambo baboti basala kana makwela. Iboso valinga kate enfants avec toi, tu m'en fous. Yami baleba inakanga ilokola nyama.